La puissante étreinte de la misère qui mordait au sang de Valérie, le jour où, selon l'expression de Marneffe, elle avait fait Hulot, avait décidé cette jeune femme à prendre sa beauté pour moyen de fortune. Aussi, depuis quelques jours, éprouvait-elle le besoin d'avoir auprès d'elle, à l'instar de sa mère, une amie dévouée à qui l'on confie ce qu'on doit cacher à une femme de chambre, et qui peut agir, aller, venir, penser pour nous, une âme damnée enfin, consentant à un partage inégal de la vie. Or, elle avait deviné, tout aussi bien que Lisbeth, les intentions dans lesquelles le baron voulait la lier avec la cousine Bette. Conseillée par la redoutable intelligence de la créole parisienne, qui passe ses heures étendue sur un divan à promener la lanterne de son observation dans tous les coins obscurs des âmes, des sentiments et des intrigues, elle avait inventé de se faire un complice de l'espion. Probablement, cette terrible indiscrétion était préméditée. Elle avait reconnu le vrai caractère de cette ardente fille, passionnée avide, et voulait se l'attacher. Aussi, cette conversation ressemblait-elle à la pierre que le voyageur jette dans un gouffre pour s'en démontrer physiquement la profondeur. Et Madame Marneffe avait eu peur en trouvant tout à la fois un Iago et un Richard III dans cette fille en apparence si faible, si humble et si peu redoutable.